chante, le soleil pleure. Et les nuages me sourient. Les surnoms que tu avais ne valent plus grand chose. Les idées que tu avais ne valaient pas grand chose. Les fins de mois que tu avais ne valaient pas grand chose. Et les chansons que tu chantais ne vaudront pas grand chose. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de dire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de faire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de dire des choses. Le soleil pleure. Les photos que tu prendras ne valent pas grand chose. Les années que tu prendras ne vaudront pas grand chose. Et la corde qui te pendra ne vaudra pas grand chose. Et le silence que tu feras ne vaudra pas grand chose. Et les nuages me sourient. Oh, j'ai des idées pour l'avenir, on arrête de faire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de dire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de faire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de dire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de dire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de faire des choses. J'ai des idées pour l'avenir, on arrête de dire des choses. Et les nuages me sourient.